Témoignage de Monsieur Jadot Camille, né en 1911 à Bonsaint, résident Bonsaint, charron et scieur. Ce témoignage a été recueilli en 1979 par Messieurs De Chêne et Mikils. Parce qu'il y a des contraintes, il y a 20 individus, 4 francs de meilleure allure. Un ouvrier qualifié, 4 francs 50 à l'heure en 30. D'ailleurs, c'était une crise. Vous aviez eu dit certainement qu'il y avait une grosse crise en 38. Et bien voilà, les cultivateurs sont en pleine crise comme tout le monde. Et donc les artisans. Mais, il y avait de l'ouvrage. Si, pour les artisans, il y a eu de l'ouvrage. Si, ça n'a jamais manqué, ça. Mais sur mer, si vous aviez demandé un tout petit peu plus cher, vous auriez eu des difficultés, vous espagnez, tout ce que vous voulez. Ils se plaignent. Est-ce qu'on paye en colonie? Oh, oui, je suis sûr, en nouvel an. Oui. Et un petit peu en nouvel an, eh bien, on a vu une l'ouvrage. Parce qu'il y a un certain qu'il fallait qu'il allait payer, eh bien, on a vu une l'ouvrage. Et aussi vite qu'on a vu payer, eh bien, ah, boum, boum, toute affaire de neuf. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, c'était. Mais voilà, mon papa, par exemple, non? Mon papa a fait tout ce métier allemand. C'est-à-dire qu'il a travaillé un petit peu à la machine, à un ruban, par exemple, c'est un chien qui actionnait. On avait eu dit ça. Eh bien, c'est une roue. C'est une roue comme une roue de moulin, mais sur mes tournées, votre mec est retourné, si vous voulez. Non? Et les chiens sont ici, à cela, c'est une cage. Autour des roues, c'est une cage de treillis. Non? Et le chien, il poussait comme cela d'une marche sur l'autre pour monter le copain. Et n'y arrivait moi, mais il y a le bon tourné. Et c'est une grosse maison de chien. Et on dit, allez, roue. Et bien, il moussait un peu le trou, parce qu'il avait un trou, la chose est très. Il moussait un roue, et puis il jouait, il avait un bon fils. Mais il y a l'artisan qui soye, ça c'était un peu doucement, parce qu'ils ont vu des fouettes. C'est ça du monde qui parvenait par exemple à gagner le veille. Il y avait un papa par exemple qui soyait des diantes, non? Des diantes eront deux comme cela. Et à ces périodes-là, on se sentait mettre, enfin, on peut moins expliquer ça, on se sentait mettre. Il dit, ben comment une femme qui a perdu ce temps-là, il va le faire, c'est un gars qui a mouru 30 ans à vous. D'ailleurs, c'était pour ça qu'on m'a raconté ça dans 5-6 km de chien. Comme qui perd ses stomachs, il mourit 30 ans, on lui a dit une autre la question de rendre. La mère est estime mariée, il va dire que c'est une mère. 30 ans de stomachs, il a mourit 30 ans, on lui fait le faire. Il paraît que la gueule est là. Il va tout sérieux. Un petit peu bon os, un petit peu gros même. Ah, ben, c'est bon pour expliquer tout cela. Mais vous allez trouver cela, non? Vous m'allez questionner, je ne reste pas. Ah oui, on ne pas comme ce gonzé. Eh bien, qui m'a gonzé pour venir? Ouais. Eh bien, voilà, on cherche un moyeu d'un jour, qui va vous dire le wallon, comme vous allez voir. Ah oui, pour le dire wallon. Un moyeu d'un jour, de chambres de treuzon et de renouveau. De vingtaine, non? De taille de papa, cela, parce qu'il me s'en est. Il y a de l'idée plus, c'est pour ça, mais cela. Il faut déjà un peu de séchoir artificiel. Ah oui, parce que les naturels, on se met bien. Nous vont, il faut le faire. Oh, oui. Oh, oui, oui. Il faut garder des bois. Oh, nous vont. Oh, oui, oui. Ben, mon papa, il me souvient que mon papa, il a vu des piles de bois qui étaient entrelacées là. Hein. Et qui souillent. Et c'était un mois sec. Mais il n'y aurait plus de poumes. Oui, oui, oui. Et puis, il y a un bras, mais il y a un kilo, par exemple. Et le président. Nous travaillons notre une couette, nous autres, avec les machines, nous prenons le monde, l'ouvrage qui nous fallait. On a vu à 20 km à ronde. Parce que c'est ça tourguer qui fait cela, il y a eu vraiment qui travaillent pour avoir des fumées. Puisqu'ils travaillent pour les saints ici, même ils ont demandé des fumées. Ils ont demandé des sous, mais il y a été des fumées en fruit. C'est vraiment plus tranquille. Il y en a vu dans ma barine qu'on met mes mains en peine direct, mais il y en a 5 et l'autre fumée. C'est pas ça, là, il y en a dans un coup. Vous commandez, eh bien, paye. Si on a dit, on a dit, mettez un coup pour le perdre, ça, c'est une somme. Mais je me faisais payer mes veilles comme par exemple un mécanicien. Je travaillais, je faisais l'ouvrage rapidement, mais je me faisais payer. Et ma flore est trop vendue, ben j'ai mis fucking manio aussi. Ok, j'ai été de frima 40 francs, c'est bien qu'il frima ce 40 francs du kilo. Et maintenant qu'il est à 6-7 francs. Un marché noir, ça. Oui, bon, il fallait passer par le marché noir. Mais on peut y défrauder, puisqu'on est sur le grand pain. Ah ben, il y a la lettre, il m'a laissé ici, mais il y a mon fraudeux. Il m'a dit mon fraudeux, il m'a fait faire 5 kilos de frumet. Ni vu ni connu. C'est le plus simple. Donc, votre papa, où arrive des bouées pour faire des rares durant l'an? Oui, 9 ans, il fallait enfin, il y en a un qui est mort un tout nous, on ne sort pas les faire 7 ou 8 à des pompes pour ceux qui l'avaient récolté comme bouée. Parce qu'il a tiré des bouées 14 ans. Il les a discopés, il les a fait battre, et puis il les a ramenés, et puis on les a sauvés, on passe partout là, parce qu'il a vu une des tronçonneuses, ça donc, hein. Et puis, et voilà, hein, deux hommes allemands, qui a fait prendre, mais sur la cible. Quand il a fait sauver, il a fait un coup, il y a vu deux qui sont rien comme sur l'autre fou, et deux qui sont rien dans la machine, donc. Et c'est tout quoi comme vous? Jan, Hess, Fren. Sapin, arm, c'est sûr tout cela, charme, c'est à peu près tout le peu qu'on emploie aussi cela. Le charme, c'est plus ou moins de. Il y a plusieurs sortes de charme, quand même. Enfin, boulot même, aulne, de l'aulne par exemple, nous autres, les vis ouvriers, on savait bien qu'il fallait faire couper, ça n'a vu qu'une période. Et il fallait l'attraper, c'était la période du 15 ou 15-7 ans par lune, lune décroissante. Eh bien, on y croyait, mais c'était réel, c'était quelque chose qui va pouvoir raconter à des gens qui riront. Et je peux leur prouver, par un plus un égal deux, que c'est une grande vérité parce que j'en ai fait l'expérience et plusieurs fois. Gassoy, par exemple, des zones, je ne sais pas si vous savez l'essence des zones, succès, c'est le bois pour le putain qui noie. Si vous le coupez, par exemple, en période de serre, eh bien, vous le mettez à l'eau, et un an après, si vous l'avez brûlé, il ne faut pas l'avoir tous les brûlés. Eh bien, quand vous le coupez, là, à ce moment-là, entre le 15 et 15 septembre, à la période de la lune décroissante, ce qui s'assume deux lunes, eh bien, vous pouvez le couper, vous pouvez le scier. Ce que j'ai fait des planches avec. Je n'ai pas mis tout nos produits dessus. Et il y a des astuces métalliques pour faire un hangar pour des vaches. Hein. Et ça a duré 17 ans, le hangar. Et on ne savait pas clouer un clou dedans, on pétait la planche, tellement elle était dure. C'est ça l'expérience. Parce qu'on m'a vu dire ça, et je n'ai créé de mon scène un peu. Mais on a vu mettre une grosse olive comme cela, une entraille de graines. C'est plus bien ce que je veux dire, une graine. Et c'est du marqué poterie, c'est du bien imprimé poterie. Celui qui m'a coupé connaissait ma saison. Je suis un celui qui m'a. Et il a vu deux, trois saisons, des heftons, parce que c'est du à la fin, enfin des somal. Des mafles, dans la douce estuie. Celui qui m'a coupé connaissait ma saison. Alors il y a un vieux bonhomme, une jeune de vieille qui est un jeune. Ma vie de mon c'était où trouver des moiteurs, tu peux aller créer des quais que tu veux à cette période-là. Tu peux couper des zones, des bevels, des sorts. Eh bien, tout est bon. C'est pour tous les bois, celui-là. C'est à peu près bon pour tous les bois, mais surtout pour les bois tendres. Parce que le bois dur, le jeune, on coupe même qu'il a des feuilles, surtout. Les hessnés, non? Ah, les hessens, c'est pareil, il est vite pourri. Le frêne, le chêne, l'arme, tout ça, on y loupe n'aimera même. Mais les hesses, les boulots, les charmes, et. Je vais l'eau, ça me sert là, c'est fouet, non. Mais c'est votre papa qui a acheté des bois comme sous la verre. Oui, on a vu un baron aussi à Verreau qui a vu des grosses propriétés de tiennes. Et on a vu 3 km, ben, et on a vu des propriétés, sauf peut-être sans colombe, qui c'est du. Vraiment le bois des hêtres. C'est du là, on a vu des hêtres de 7-8 mètres cubes, par exemple. Des hêtres. énorme. Et bien, mon papa, par exemple, devint le tchan, quand c'est qu'on y allait dans le tchan comme cela, il revendait finalement, il était pas fait le Charlie. Il revendait pour faire des plonges de cercueil, de... parce qu'il fallait frotter pour faire le Charlie, parce qu'il fallait le Charlie, il fallait même des bois en eux, parfois, pour qu'ils soient durs, pour qu'ils soient plus durs que d'autres. Parce que quand c'est des bois avec un beau filet, eh bien, ça pouvait péter les bois. Et il y a eu certains bois, certains bois qui étaient dans le char, dans le baignon, tout cela. Quand il y a dans le cuir d'assi, c'est un cuir sec d'assi. Il fallait qu'il fasse noueux pour être bon. Il devait maintenir les yeux. Hein? C'est ça. Et il tenait les yeux par deux brides. Alors, ça, si jamais ça avait eu pété, par exemple, ben les brides auraient coincé, elles n'auraient pas les soins. Elles n'avaient pas une ça dépend de quel côté qu'on a eu bouté. Eh bien, quand il a vu un petit pot de nœud, il est un cassant. Mais il fallait pas que ce soit des nœuds comme Mathias. Il fallait que ce soit des petits nœuds, enfin, que ça soit noueux. Et puis des roulés qu'il fallait, les Charlie, parce que, je ne sais pas si c'est comme il y a eu des désarmements, on s'observe les désarmements. C'est du. Il va falloir pour prendre des seins en bouche près, enfin. Hein? On le met. Et ici c'est le talon à témoigner donc hein. Et ici c'était la longe du chariot qui appuyait là-dessus et bien voilà des ornements c'était ça et puis ici il y avait une traversière donc hein, pour charger donc pour mettre l'air et bien il fallait qu'on roule pour non vous comprenez il fallait qu'on roule pour appuyer le tour non et on a vu des modèles, mais sûrement on n'a vu jamais nous pareil. Ça fait un copier Bléron, par exemple, ça, un copier sur les tiers, là. Et puis comme ce n'est jamais le pareil, comme chose, là, bon, les coulées. Ensuite, c'est un vestir, il faut être attachant, parce qu'on ne faisait jamais la même affaire, nous, you, ni nous, l'heure. On se disait pas toutes les heures, à toutes les minutes. J'ai dit, bah, toutes les minutes, parce qu'il a travaillé en série, après ça, Jan Moré, par exemple, 8 heures sur une machine, et il est là où deux les vies, donc c'est l'autre de l'autre. Ça, c'était vraiment un numéro, on étudie nous des numéros, là, comme c'est qu'on a travaillé aussi. C'était mes hautes mesures, c'est-tu vraiment plaisant, parce que jamais les mêmes mesures, toujours un petit tracas pour arriver à faire juste, hein, tandis que quand c'est que c'est série, c'est Micmac en mortel, ça me pose de 20, puis c'est tout. Il faut que tu étudies à autre chose. Il en a moins d'études. C'est comme les gens qui vont travailler avec Hawaïen Pioche. Ils sont en train de me demander, par exemple, le sultan qui a un qui étudie. Mais c'est vrai. À quoi faut-il étudier? Puisqu'ils ont appris un côté à l'autre. Comme les saints ici qui vont retourner en terre. On retourne un roi et puis on retourne l'autre. Et puis l'autre, et puis l'autre. Et tout est le même. Et on suit tout le même trajet. Il y a un type ici en face qui est parti travailler. Il ne se peut plus. Il est en bout de souffle. C'était la répétition tous les jours et à tous les instants du même travail. Mais quand j'ai su Charlie, ça c'était exactement le conseil. Mais tu sais que bien, c'est quand je me levais fort matin, je me disais, être fier aujourd'hui. J'avais déjà l'embarras en me levant, de veille sous qu'il y avait fait, sous qu'il y avait tuer à fait. Mais il y avait des durs, hein, il y avait parfois des durs de travaux. Hein. Ah oui, il y avait des durs de travaux parce que c'était très lourd tous les. Mais quand on a tous les deux trucs, non, c'est stupide pareil, mais torseux, parce qu'il y a travaillé torseux. Après, mon papa, par exemple, comme papa de Mnouvi, il a oublié de travailler torseux. Adon, il y avait eu un succès qui se travaillait là, il fallait avoir des bons reins, hein, parce que c'était tout le temps sur les reins. Hein. Il fallait faire ci, faire ci, et puis pour souris, par exemple, qu'est-ce qu'il sait, mais il y a des variations, les rubans, si vous tournez dans vos bras, il n'y a pas de drôle. Hein. Mais quand il fallait tourner, tout ça, si c'est une gestion de remestie, quand il y a un bruit, on laisse une autre, mais on en a même. Comme ça, on a dit. Hein. Parce que vous autres, les jeunes, vous ne savez pas qui ne respirent pas, qui ne puissent pas s'y faire un instinct. Parce que quand on est un jeune, il n'y en a jamais eu de nous, juste fatigué. Moi, jusqu'à 40, passé même 40 ans, je ne sais pas si c'est un succès de vous membres ou une maman qui vient de mourir blessée. Mais autrement, mort dans votre travail, ça n'existait pas. Ça n'existe pas. Je vous assure que ça n'est pas vrai de dire qu'on était fatigué. Ça n'existe pas. Quand on s'est complété de dire qu'on est une noire, c'est qu'on a vu sommeil parce qu'on a eu à vous passer une note le 10 mai et qu'il fallait l'attaquer à 8h au matin le lundi. Parce qu'on est une impardonnée. On passait une note, mais on les a attaqués à 8h au matin ou à 7. Et bien là, on a vu comme un sommeil, un autre, comme une sonorie. C'est une oreille parce qu'on a vu une endormie. Mais fatigué d'avoir œuvré avec ce bras, ça n'existe pas. Et maintenant, tout le monde est crevé. Les vieux, les jeunes, tous. Il y en a qui se plaignent. On est tous crevés. Et qui font de la bureaucratie. Mais c'est leur nez qui sont à bout. Hein. C'est le nez physique, mais ils n'ont pas mal œuvré. Mais c'est là. Qu'est-ce que tu vas dire? C'est le métabolisme enfin, qui est liquidé, il n'y a pas à dire, il y a de ça que la fin. Et puis ce n'est plus le même, mais si c'est très évident, c'est plus le même. Tout à l'heure, il est plus heureux. C'est sûr, on se demande de faire une sacre par exemple, et on le classe, on ne peut pas. Devant un atelier dans lequel on tombe, il y a qui fait une cigarette, et il y a le masque là qui fait pour faire une cigarette, on multiplie par 40 et par quoi une cigarette. Et le groupe, on a quatre hommes qui paient tout le monde et qui ne prendraient rien fait. Rien pour faire des cigarettes, c'est vrai. On va dire multiplication. Un homme roule une cigarette, il meurt une minute en mai. Ça fait 15 minutes par jour. Et quand il y a 5 ouvriers, c'est 5 ordures. Voilà d'où on arrive. Mais devant le train, il bourrait le peuple, il s'assied. Et puis, alors il meurt une gotte. Le patron a voulu l'ouvrir. Alors, nous avons besoin de ce qu'on fait une pâte. Ou bien, nous avons le café, et on bevait le café 3h10, 3h20, 3h-10, on demandait jusqu'à 4h, ou jusqu'à 3h30. On ne comptait jamais le temps, ça n'existait pas, ça. Et maintenant, la marchandise n'existe plus, c'est le temps qui existe. Comme vous avez dit, vous avez des matériaux pour 500 mètres, vous avez besoin de 1 million. Donc, voilà, où on est arrivé. C'est la main d'œuvre maintenant qui est primordiale, il n'y a rien à faire. Les timbres sont plus bas actuellement parce que, voilà par exemple, on a fait avec nous ça, mais les sicastins jaunes comme vous, par exemple, qui se marient, quand ils sont en âge, ils allaient démarrer pour pas parler de maman. Pourquoi? C'est parce qu'ils avaient le moins de cette terrain du tout. Quand ils avaient démarré un petit peu, ils souffraient. Pas bien dire. Ben, il a été ainsi tout. Quand il a été ainsi tout, il a été. Si tu es, il a plein de deux. Et bon, il monte hein, comme cela, mais il fallait 30 ans pour arriver. D'où quand John Marie arrive, les deux impôts de se marier. Il a une voiture, il a une télévision, un John McCookie. Soutenir Bramé Devic n'a jamais vu nous la lever, des nouvelles. Mais Devic, actuellement, un peu. Mais Devic, qu'est-ce qu'il a, les générations précédentes, non? Eh bien, il y a des gens qui n'ont jamais vu les gens qui ont été dérotés ou les aider le grand-père. Ça fait qu'à ce tour, eh bien, les gens actuellement, c'est bien, par exemple, appréciés, qui sont heureux, enfin. Parce qu'il n'y a pas à dire, mais c'est l'opulence, hein. Il y en a à dire, mais pas actuellement, enfin, il y a des gens qui ont fait quand des grèves pour se revendiquer des choses qu'on a. Hein. Parce qu'il n'y a pas à dire, hein, mais. Il dit Rubin comme. Il y a des favons. C'est à peu près des miottes aussi. Si on voulait faire l'économie, c'est aussi bien nos autres, les vies, que les jaunes, ils vont mettre des sous. Mais pas que faire des sous. Pas que faire des sous, puisqu'ils n'évaluent tous les jours. Alors voilà, où on est arrivé. Gagner, détruire. Voilà. Il faut bien, hein. C'est comme par exemple, mais il s'est pensionné, mais si lui fait la noise, il me confronte, il me pensionne. C'est-à-dire qu'il m'intéresse, mais fou d'une pension, je ne porterai jamais un petit sou à intérêt. Mais pour que faire? Pour dévaluer. Pourquoi faire? Est-ce qu'il dit aussi, ben voilà, ceux qui sont placés là. On touche les uns, qu'est-ce que c'est, Il y a un millénaire les uns autour de Montaigne qui va 200 mètres. Tu peux aller te promener avant, si seul t'en vendu, c'est mes positions, c'est aussi bon que ça. Ils sont venus autour pour aller venir. Enfin, pour aller yo. Pour aller quelque part. Ben c'est vrai. Parce que Mian ne va pas continuer à s'aimer. Ça m'a passé, il y a mis de bien faire. 500 kilometers, par exemple. L'histoire tous. L'histoire chimée, en cause. L'histoire serrée. Il y a tout truc à 20 km en site pour en moyenne. Voilà, ça mène du mal sans penser. Ça mène, si il y en a les deux trucs, dans le terminus, il n'y a plus de fin. Et des semaines, 10 mètres, trucs, il n'y a pas. Enfin, 10 mètres, il y a un autre, 5-6 km, si tu sauves des poils là. Là, 10 mètres, et ça n'est pas réjoui, ils sont habités, ça. Et il y a une scène, on est tous eux, ils sont tous pété et voyez tout le monde, mais une scène morite aussi parce que les souvenirs ne sont pas brillants. Et puis un homme torsu, un homme torsu, c'est normal de lui. Il y a par exemple une femme qui vient comme nous, il travaille après un dîner. Naturellement, on veut bien qu'on l'a passé, c'est également de mon école l'a quitté. Parce que vous voyez bien qu'il a passé, sur la gueule, veut tout mais il ne veut pas qu'on passe. C'est ce qui est le plus mal de lui. Et si je fais des grâces, ce qui m'a bloqué, on y a eu le matin. Mais il y a l'ouvrier de partir là, parce que là c'est ton fial, il peut me dispanner si jamais il y a une femme à l'autre côté là. Eh bien, quand c'est qu'il y a une panne enfin, électrique ou n'importe quoi, il fait des feux là, des déchets, oui, mais qu'il y a quoi faire, quoi, c'est bien des déchets. Eh bien, un homme torsu, il m'a aperçu qu'il a sendu une info pour là, quatre fois. Plein, archi plein. Ça veut dire la porte aujourd'hui, mais il y a beaucoup de classes qu'il a fait. On sait en médecine. Magnitus, non. Des affaires, oui. Oui. Ça, il a fait des crampiers de coffre, par exemple. Il a dans les fricassés, que tu des rochers. Il a mis tout cuir dans le soc, il en arrive à 14 km en magasin. Il a les cuirs tout le temps en gaz, qui est sur eux. Il en a fait des pareils. Mettons Pyrex sur le gaz, paf! En tout cas, il y avait des sons. Non, tout ça. Figurez qu'on peut dire, et puis il y a d'une femme, donc d'une maladie vraiment extraordinaire, il que ça m'arrive à qu'on a fait. Aviez-vous eu des maladies dans des sons? Mais vous voyez, ben non. Qu'est-ce que c'est pour elle? Eh bien, la maladie dans des sons, c'est les glandes surrénales qui s'atrophient, enfin qui tournent à elle et tout. Et il faut cortisonner et tout ça, tous les 7 ans en longue, on a fait ça. Et elle est du pâle, elle est du rose, elle est du comme une quenouille. On te fait comme un bal. Tu n'as rien, hein, toi. Non. Mais nous, qui sait pas ce qu'elle a vu. Elle a tout dit, alternique, vite, pour finir. Tu vas l'ouvrir une gote? Eh bien, c'est ton même divorce qu'elle, ce n'est plus une compagne, c'est. C'est une sacouette qui est attachée plus qui va se brer. Parce qu'ils ont mal aidé, on ne va couper le bré ou bien tu vois tes femmes, ils me les couper le bré. Ça, c'est certain. Parce que c'est. Si ne m'expliquer, il faut s'y trouver. Et tout le monde s'y trouve, hein, parce que. On est parfois 4-5 veufs longs sur l'autre. Mais c'est des bons cafés. On va vers le café pour aller rire ou pour ouvrir ce carif. Mais c'est tout le monde qui fait ça là. On se trouve dans 4-5 veufs là. Donc, mais si tu n'en pas eu un million, si tu n'en pas qu'il t'en avait eu un million, qui te dirait devant toi-même, pour ça rien, ça m'est arrivé. Non. Le cas d'un n'est pas le cas de l'autre. Et puis, chez nous, il y a des secondes effets qui demeurent au lieu d'effets. Il y a des secondes certaines d'années au lieu d'effets, comme il y a le cas de plusieurs. Mais ils sont tous eux, mais réduits à lui-même, ils n'en nous le font rien du tout. Il y en a même, on a vu. J'ai donné vue de ma femme, moi, c'est tout. Oh, et voilà, ma vie. Comment ça se fait? Comment ça se finit? Et c'est vite passé, c'est ce qu'il y a de pire. Ça n'avance pas, on est comme vous. En un an, ça n'avance pas, hein? Je me souviens bien, gestion d'un type, c'est de la Caribe. C'est lui pareil, il y a une gestion chauvin football. Et un chauvin motocycliste, par exemple. Et d'un dimanche à l'autre, il me rafie de ce dimanche. Pour jouer au football contre un tel, parce qu'il n'avait pas perdu un match. Il fallait absolument gagner l'autre. Et non, tu une semaine pour lui, une semaine, c'est tu 20 jours dans ce tour. Tu 20 jours. Et à ce tour, tu as le sème de tenir son. Il me semble que c'est samedi deux coups par semaine, bien sûr. Tellement que ça se rapproche. Mais c'est plus court d'espoir qu'on a fait les week-ends actuels, parce que demain matin, le samedi, on travaille le samedi comme n'importe qui joue, donc. Hein. Ah, donc, maintenant, vendredi soir, c'est week-end. Hein. Il y en a qui font déjà des sorties le vendredi soir. Hein. Ben, c'est sûr, ben, c'est un bien pour l'économie, hein. C'est normal qu'il y a des restrictions dans le travail, mais c'est normal, c'est souvent. Hein. Et qu'est-ce que c'est que nous allons garder des rôles et puis nous arriverons à l'Assie, à l'essieu. Allez, voilà. Donc, pas de rôle, votre papa, comment est-ce qu'il faisait? Ça y est? Ah, oui, oui. Eh bien, pas une rôle, il a été fait chien sur le bois, donc, non? Il les faisait framiner et puis il les feindait à vous des coins. Non? Pour arriver à vous des triangles, pour ce qui est l'objet fou. Et voir de quel bon bois. Et puis il est sous les nouveaux, qu'on s'est pas si bon fait. Pour les sous là, non? Donc les gens, ils se sont venus sous les ou bien, oh, je ne sais pas si vous avez eu de sous là, mais dans le temps, il existait. On faisait un trou éternel et on mettait des traverses, on mettait des montants et on mettait des traverses dessus et on faisait frôler les bois dessus et puis à bout, on fier. On fier, il y avait un qui montait sur le balcon, qui suivait font tracer, et l'autre qui suivait font qui ramassait dans le sol, plein d'eau, hein? Et on qui s'étire, et l'autre qui boutait, et on s'étire sur là, mais pour suivre par exemple une traîne de 11 ou 12 cm, par exemple, il fallait 2-3 heures, hein? C'est du terrible. Ah donc, mais il ne peut pas faire cela, mais il ne peut pas faire cela. Ah donc, c'est ça, c'est du profil les gens. Et sur là, il fallait. Non, non, c'est du DS. Pour filer, c'est du déchaîne, mais pour filer, c'est du déhesse ou bien des freins, quand c'est du roux, qu'est-ce que c'est plus fin et d'yont. Quand c'est du roux, des camions, par exemple, qui supportent des courriers, qu'il fallait les voir qui courent, par exemple, ou des camions, cela c'est du sommet des freins. Alors, les moyeux, eh bien, les moyeux, on le coupe et flit même, quand il n'y a plus possibilité. Quand c'est qu'on ne sait plus rien faire ainsi, eh bien, on allait mettre des bois tout verts là, devant la courante, et on allait acquérir des joues qu'on devait tourner le bois. On hachait avec une hep, sur un point, et puis on le mettait fort autour, parce qu'à ce moment-là, c'est ce que j'ai tourné, on faisait, on allait se pouffer des moyeux qu'à mon tour. Mais sûrement, les tours, c'est une actionnée qui parle les bras d'un homme. Donc il fallait faire zèle d'eux, un homme pour tourner, pour faire tourner le tour, et l'autre pour manipuler les ustens. Et si tu avais un moyeu dans un jour, ben un moyeu t'offrait. Et puis quand c'est que cela tu fais, on faisait les hôtes. Et pourquoi est-ce qu'on prenait, on t'offrait comme cela pour qu'il... Eh bien, parce qu'il fallait qu'il fût sec, qu'il fût frais pour se restreindre. Quand c'est qu'il est, quand tu as vu, qu'est-ce qu'il aurait de vin, plus vite qu'il est tapé à l'oeil pour qu'il aurait de hossard, il se restreindrait et comme les restes sont serrés, il est encore serré plus fort. Ça fait que, pour arriver à faire mousser le bois de vin, il faut être serré comme les restes, parce qu'on est, par exemple, sur l'arrière, on mettait 11 cm de plus pour les choses, pour les raies, pour faire mousser le hot. 11 cm de plus sur l'arrière et 5 mm sur l'espérure. Donc, il fallait demander qu'il mette ça serré. Et puis, il y avait des masses de 10-11 kg. Mais ben on mettait fcure les moyeux. On mettait fcure les moyeux devant chaudir. Bonjour. Puis devant chaudir, non? Et quand le moyeux est bien boulou, eh ben on attaquait par chessier toléré de vin. Et puis quand le moyeux est fruit dans le moyeux, eh ben on pouvait continuer, on mettait vraiment dessus. Et puis on se fait que cette ouvrette là est terminée, eh ben ça n'a vu plus qu'à la marron. Quand ça est-tu? Il mettait le bain là. Et puis on recentrait quand les belles étaient stimées tout. On recentrait par où les centres des moyeux. Et à ce moment-là, on avait une bourse. Ce qui va dire. Comment est-ce qu'il va remplacer ce nom? Cookie, c'est une chose à dire. Et on. qui était conique donc. Hein. Le derrière était plus grand que le devant. Et puis il y avait des arêtes hein, pour le soutenir, pour qu'il ne fasse pas un demi-tour dans le maillot. Et puis on chassait sous l'arma du vin. On faisait les trous donc, hein, puis on chassait sous l'arma. Et la roue terminée, finissant. Et on faisait sous là à Montmartre. Non, c'est tu. Les roues revenaient de Montmartre à Montcharlie. Parce que le Charlie, il fallait qu'il loue sous la souplesse parce qu'il allait venir aller gêner le marron. Ah, donc on sait qu'il tombait de se disférer, par exemple. Se disférer, c'est-à-dire qu'il s'appurdait des dieux, un fier et bois. Et donc, on aurait pu le faire dans le casse. Eh bien, on revenait faire le marron, on bougeait les secs, on revenait faire le Charlie et on lui demandait de faire un peu de jonteur. On retire les jontes pour les serrer tout, pour que les jontes. Avoir une fière qu'on remettait, ou un des you, pour plus, il sera strenant. C'était le deuxième cerclage. Mais après X temps, là, ça pourrait durer 3 ans, 6 ans, 9 ans. Ça dépend un petit peu d'après le séchage du bois. Voilà ce qu'on faisait. Puisqu'il boit du sèche, puisqu'il a vu des chances de mourir, prendre des ondes. De... Ni l'assis. C'est bon, là. Eh bien, voilà l'assis. C'était des hesses. C'était des hesses aussi qu'il fallait pour financer. Ah, donc, il fallait tout disposer des roues escondues pour financer. On traçait l'assis, on lit neuf des cloètes et des raminettes. C'est-à-dire que les cloètes, c'est une roue qui se drovait des œufs. Et les raminettes, c'est une roue qui se rassurait des costés dans la direction. Mais ça, c'est du fouet petit. Les raminettes, c'est du toffin. C'est du 11 cm de maille pour les deux. Mais les cloyettes, c'est du la grosseur de la beuse. Eh bien, quand on sait qu'il y a une assise roulée, eh bien, on dirait qu'il pète à ouest. Voilà. Donc, il me semble qu'il y a des tosses là aussi. Nous allons garder des chars, c'est ça. Eh bien, les chars consistaient à le mettre sur l'aéro pour commencer, non? Donc, pour adapter l'aéro au chars, il fallait absolument des bouées. Ça fait qu'on mettait un cuir sec d'acier sur l'acide fier. Et consistait un acide bouée, c'est du tout, les cuirs secs existaient pour l'acier. Hein, c'est normal. Donc, sur le cuir sec d'acier, on mettait des armons. Des armons, c'est du à peu près. Pour tourner à gauche et à droite, enfin, ce qui permettait d'inverser les chereilles. Ça se met des armons avec une cipaye, ce qui frottait des les longes. Les longes, c'est le grand longeron qui passait tout le décor pour maintenir les devants et les directions. Donc. Et puis, une des soulages, il y a eu le tamon naturellement pour guider les chars à gauche ou à droite. Et au bout de tamon, il y a vu le bec de tamon. Et puis, donc, encore un de tamon, il y a vu les lamas d'eux qu'on trouve, pour atteler les deux, il va dessus. Hein? Donc, des œufs, les cuirs d'acier et les armons, il y a vu un hamet, une sopresse qui supportait les hamets. Et le hamet, c'est celui ici qui supportait les fonds de char, enfin, les pavés de char. C'était quoi comme bouette sous là? Tochan. Ah là, c'est Tochan. Uniquement des chênes. Rien que des chênes. Devant les lames, par exemple, à l'occasion, on mettait comme des frênes. Mais des frênes sous coartis. Or, les coartis, je ne sais pas si on sait bien comprendre ce que je veux dire. Mais les coartis des bouets, c'est les roues qui se faisaient à chaque année qu'ils bouets crèchent. Et les roues qui étaient traversées, c'est les roues du fin d'un. Donc, qui vous a dit qu'on fait des chênes, on les fait qui sont 11 seins. L'autre sein, c'est impossible à faire. Tandis qu'ici là, on lui met au coin, on connaît pas, paf, il est haut. Tellement qu'il faut que nous on fait. On l'explique bien, mais. C'est un peu comme le pire. Il n'y a ça n'a qu'un sens aussi, comme les pires. Mais les pires, c'est qu'on ne peut pas mal avec le bois, c'est un cas. Oui, il faut expliquer. Il faut être connaisseur aussi là-dedans, parce que les bouillettes, on va dire à toi ou à vous, Enfin, si, c'est terminé, vous savez, mais peut-être vous savez. Mais n'est le pire, non? Parce qu'une pire, elle est différente, un pire, à un an et l'autre. Où est-ce qu'on y arrive? Au fond de tchat. Ah oui. Mais sur les fonds, est-ce qu'on des fonds, il y a des halles? Et pour maintenir les halles, il faut des ronds. Mais c'est des fiers, là. Ça fait qu'il tchat l'île, on a vu qu'un top de l'œuvre qui a voulu les ronds. Filet hot. Et jamais, pour finir les ronds, il devait. Les ronds, c'est du débris. C'est du débris des fiers, donc maintenant les halles. Les halles, c'est en fait soit des haillons de bois, à vous de tésu pour les tenir toutes les deux à son. Enfin, écarter l'une de l'autre, mais pour les tenir pareillement toutes les deux. On tésu à fond, on tésu à l'copette, poudri et pas de bon. Il me semble qu'il y a un beau prédit de ce qui existait avec l'armée. Et puis, on allait à mon marron qui faisait. Les marron, vous pouvez en aller par exemple à vous toutes les pièces à peu près. D'abord que vous avez les rôles, vous pouvez dans la peau près de toutes les pièces, en marron, en les miner, enfin, en les porter. Tout à fait arrivé, en marron, si vous voulez, qui n'avait plus qu'à consolider. C'est-tu consolider, ce que vous avez. C'est parce qu'il montait l'affaire, ainsi. Ah oui, mais Charlie, il a vu tout faire, lui. Il a vu tout faire. Pièce par pièce. Pièce par pièce. D'abord qu'il a resté un ferret, eh bien, il a monté toutes les pièces, et puis on peut les faire en marron, vous tout à fait émonché, mais sûrement, ça ne t'énerve, non. Il fallait consolider. Qu'on perd les oignons. Il dit qu'il y avait des blocages de mécanique en bord de mécanique en si on le parce qu'il n'y avait que bien solide ou insolide. Quand c'est un lieu comme nos autres charles qui sont assez vallonnés, on mettait une barre de mécanique solide devant vous, deux blocages de mécanique et solide, pareillement. Pour freiner, quand c'est un gros tchèque et qu'il y a un livre trop. C'était tout le marron qui faisait sous la. Les verrins, oui. Les verrins, c'est du marron. Ben, c'est-à-dire qu'il faisait, il fait venir le verrin, non? Parce qu'il est incapable. C'est une tournée, non, selon le verrin. Même à vous, l'intérieur de le foot qu'elle fait à une lame de frein, comme on le fait avec une lame de frein. Mais cela, il a été. Mais sûrement, les manivelles, c'est celui qu'elle faisait. Et puis nous autres, nous faisons le bord. Une barre coup d'œil, non, qu'il fallait qu'il passe à des ordres, que tu coup d'œil, et puis il y a deux ruboquets qui arrivent sur les roues, il y a deux gros bloquets, des bloquets de zone, de sol. Ce n'est une égale, même dit quoi, il fallait qu'il soit dans le sol. Pourquoi? Parce que les sols, les fibres, elles sucent, mais elles freinent parce qu'elles ont des fibres. Tandis qu'ils tiennent, ils se listraient, ils se polichent. Ça fait un peu de freiner, il fait chauffer. Il fait chauffer le fier. Ça fait. Comme les fiers chauffent les blessures, ils ne rient. Ça pue et ça ne freine. Mais des blancs au bois, par exemple, qui sont un éric mondial, c'est surtout dans le sol. Comme c'est fibreux, eh bien, on est venu comme mécanique. Les roues, ils tiennent. Comme c'est que. Tellement qu'ils ne s'en peuvent passer parce qu'ils. C'est un petit dérapant. Oui, c'est juste. Vous voyez bien, il fallait vraiment de l'essence. Tous les bois pour arriver à un sacré d'idéal, enfin, d'idéal, si on peut dire, parce que, disons que ça va quand même au miasteur, hein, avec les hydrauliques. C'est-à-dire qu'en baignon, ça peut varier d'un à l'autre, parce qu'il y a des sites de baignon qui ont pour les faire le tchèque de treuil, ah oui. Et des sites qui ont, c'est sur le tchèque dont il va. Donc, le tchèque dont il va, c'est du 2 euros, avec un cristal. Cristal célèbre pour soutenir les baignons. Donc, ici, à 3 euros, c'est une plus petite roue pas devant que les deux autres, et une roue qui arrive de gauche à droite. Donc, ce sont des moulins qu'on le met sous là. C'est un moulin qu'on le met sous les. Comment est-ce que tu vas dire les directions. Et là, les baignons, c'est un peu gros. Quand c'est un baignon à bré, à cristal, c'est un baignon pour mettre. Mais des mets à 5 kilos, bon, il va au-dessus. Et il arrive à coup, ou bien il arrive à coup, il fait la détente. Et les siatres, il va, il arrive tout à coup, parce que c'est certainement des grosses échecs de pétrole, d'oncine, qu'est-ce que tu aimes? Et pour le faire à coup, qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, pour le faire à coup, on saif, lisi qu'elle fait, les charlies, donc elle fait des. Mettez flancy en miton juste dans le tchèque, moins 2 cm. Il est fallu 2 cm en avant pour qu'une basculation dans le temps. Vous comprenez? Parce que 2 cm de décalage sur la scie, ça veut dire que tu as 2-5 kg sur le dos d'un vent. Il ne fallait pas exagérer. Ça fait comme il reste un soldat de l'hiver, l'hiver tenait mis à terre, à ses pieds, qui s'est la vue sur le verre, il terre, ça lui faisait des points, enfin, non? Et puis, pour l'avoir à quoi, donc, il ne fallait pas exagérer, il fallait vraiment monter, il avait des harnais, c'était un dégonté, des harnais, et quand c'est qu'il voulait mettre à coup, il se tient sur le soldat de l'hiver, donc il montait les bras, et puis, il bougeait les pieds. Com o meu espelho, donc, de beijão, que l'empêchei com o erotivo da lacu, e botei o espelho, e botei um petit corps mécanique, c'est style mécanique, le frein, donc, que c'est tu là, e mettei um corps de espalha sur là, paf, tá fez tu lacu, depois que ele bouge o lucre, passei sem vir na bouge o lucre, e por isso de lui, e não lhe jamais adressi. Le teatro, eu não vou dizer, estou com o meu mistério, e falei que eu tenho que mettre um top de point avant, pour que. Qu'on fouille sur la montée et qu'on tombe dans les rires, en fait. Et c'est tout de l'échange. C'est tout de l'échange, ça. Pour dire au baignon, il y a l'idée qu'il n'a vu rien que l'échange en tout. L'échange des fiers. Alors, on te fait un baignon ou bien on te fait un cliché. Il n'y a vu quoi, hein? Alors, on mettait de la hausse ou bien on enlève sans la hausse. Moi, non, que moi, Tchergi, bravo, mais ouvert. Si c'est type en ouvert Tchergi, on mettait dans la hausse, mais quand c'est qu'on fait Tchergi de Pietro, on mettait dans la hausse et on écrète l'œuvre. Attention, c'est comme un mot wallon, non? On écrète l'œuvre, le Pietro. Une des choses. Et quand c'est du dégrosse, il y a vu des syndicats, c'est un pire, il y a des nouveaux dégrosses. Mais il tapait les petits téléphones et il mettait la grosse pour écrète l'œuvre. Mais c'est parce que c'était. Je pense que tu vas dire, c'est un petit peu jaloux, ça. D'avoir de belles pietres, par exemple, c'est vrai. Hein? Il y a des cicames bien, d'avoir de belles. Mais comme une autre, par exemple, si j'en ai planté, il y a bien d'avoir des grosses. Hein? C'est du temps même au bec de veille des caoutes des racines. Hein? Ah oui. Ça fait. Ok. Bon, il y a quoi de frein de main entre les études? Alors. Alors. Et pour faire une roue entièrement la main, attendez un petit peu. On ne faisait plus à la main, on ne prend plus. Non, mais il fallait compter pour trouver le compte, il fallait. C'est ainsi qu'il y a fait, mais au début, parce qu'il y en avait ici, il y avait des machines aussi qui travaillaient en main. C'est lui qui devait bénéficier de mes machines. Un ancien charron pour faire une roue, pour faire une paire de roues entièrement, ce qu'on met, les grosses roues d'11 cm. Il leur fallait 6 jours à 8 heures, donc ça fait 50 heures, nous allons dire 48. 50 heures, donc en 35, en 38. Nous allons commettre 5 francs à l'heure, ça fait 250 francs. Les mains d'œufs, hein. Oh, tu n'es qu'à l'aider. Il y a une heure de mécanique à garage. Une semaine, mon Dieu, une semaine. N'inco, c'est quoi ça en France? Ah, oh, tu n'as rien, 50 euros à 5 francs. 250 francs sans même. Donc, il y a vu des bois. Il y a vu des. Il y a eu des qui disent trouver pas pauvre, à pauvre le prix des bois. C'est tu devais aller 500 francs de mettre que bâtiner. Ça fait 250 francs de main d'ouvre pour 2 euros. Ça fait 125 francs en euro. Ça fait 1 euro, ça veut dire. 7 fois 12, 84. 84, 42 francs. Ça fait 90, ça fait 90, ça fait 50 francs. 5 francs. 5 francs fois 6, 30 francs. Est-ce qu'il y a toi? Le moyeu, mettons non, 20 francs pour le moyeu, parce que. 30, 75, 75, 200, 220, 400 francs maximum d'euros. Gros maximum. Plus le bandage. Plus le bandage qui coste. C'est pour Charlie, ça. 400 francs gros maximum. Pour ma whole bandage. Oui, oui, le bandage c'est pour ma whole. 400 francs c'est pour Charlie. Y a toujours envie de dire quand moi devait un gros moment disons fort. E con la baghi shawl che gli hanno nello smon, gliela trovi e gli di non di più per archivi. Se gli vive insomma approximate fme. Ah non, 43 no. Un voilà. Beignon. Un beignon. Dicons, non, en 35. En 1935. Les traces de dessin, ben si c'est vrai, mais 578 francs. Donc il en avait 2 euros, il en avait en assis. Ah oh, ben, l'assis bien sûr, il y avait un 4-7 dans ses bien sûr. Ah. Oh, que le nom de Dieu. Faut pour mettre les moulins, pour mettre les moulins, son baignon à 3 euros, costé 130 francs. La traduction de tout qui a ramassé sur la comme archive, non, parce que c'est vraiment intéressant de looker des vieux trucs comme ça. Millionnaire MD, ce n'est pas vu ça tout à l'heure. Hein, 4 francs de mai en 38, qui n'y a rien. Il y a de même tous ces hommes-là qui sont là, qui n'ont pas de Québec. On en est. On en est, on n'a pas de Québec, tout ça. Il y a toujours de merde, tu comprends, mais tout c'est là qu'on passait là-dessus. Ah, là, qui est cool, quand Bernier, nous, là, nous, 5 ans. Hein. Mais si tu y as plus grave, ça, là. C'est si tu y as en 43, une rose, si tu y as 700, là. T'as qu'on y est. Hein. Des zips, des arrêts. Ah, ben, des zips, voilà. Pour finir, il peut falloir des 11 tues. C'est tout des étiennes, non? Et les 11 tues, des demain, fait ce quartier parce que votre main, là, respire, là, là. Hiré, à du derrière il a rien hiré. Parce qu'il fallait faire monter sous la goutte des mains pour que ça tenait. Hein, parce qu'il fallait que ça tenait les zips. Hein, tu comprends, mec, qu'il destruira grosse mode de terre. Là. Il fallait qu'il s'estue le bois, c'est une fière qui se. Les fois, c'est le bois. Les fiers, une fière qui détruit les mottes. Mais le bois, il fallait qu'il s'en tenait. Tous les bois, tous les fiers qui détruisent les mottes. Et bien, c'est des 11 tues d'hypes qu'on le met sous là. Et c'est du quarry, sur 7-7. Il me semble encore bien dans le mesure et tout. Et puis on mettait des rails de 25 mm qui traversent Saint-Tafé pour tenir les quatre zones tuées sont. Et puis on dit mettait des hirtues pour aller sur route, parce qu'à donc pour les hirtues, il y a une de l'asphalte, non. Et pour les hirtues, tout costé. Pour nous interdire sur la salle de baignon. Et puis il y avait des hypaquen. Et des hypaquen, c'est-tu tous on stu, il y a vu une d'oreille là-dedans. C'est-tu tous on stu qui maintenant tous les dents. Les dents qui s'est-tu sur qui t'aille les choses. Alors c'est-tu les marhavis, les gros mettons de l'ovrette, parce que Charlie, lui, il faisait l'armature. Mais le marhav, lui, il faisait les finitions, lui, il mettait les dents, il renforçait les bouts de tous les on stu, ou des petits corps et fiers, pour qu'il n'y ait rien, si on qu'a. Et puis il fallait qu'il mette des. Il fallait qu'il ferrare les hirtues, parce que les bois, tu n'as rien hirtue long, on doit s'user enfin. Enfin, il mettait une lamelle dessus, sur les hirtues de bois, pour que ça dure un petit peu. Et on a dû suivre les choses à rote, vous voyez, d'où le stin voit. Hein. Les zibes, d'où le stin voit travaille, puisqu'il y a vu deux petites héros, là, le voit. Et puis, il y a vu des chéros. C'est-tu des erreurs qu'on le met sur là, des erreurs. Et devant une erreur, c'est-tu qu'on étire main, faire jusqu'à ton qui s'allache en plus de faire eux, par les Charlie, donc. Eh bien, il peut faire une haï, et que tu dis au quartier, puisqu'on est à l'heure de quartier, et il y a ajouté une cao pour faire l'eau, elle t'init. ETR, LC Tifu, LMZ20, enfin. Et puis pour le tenir, il fallait faire une main, une manotte. Ce qu'on le met, faire une poignée derrière. Comment tu arrives comme ça? Ah, mais les poignées, elles sont faites par une mortaise, elles sont broquetées et tout, et on a vu les soins de les dépasser sous là, pour l'arrondir, pour faire un dessin. Parce que les caoues, elles sont une sorte de fer belle, caoues, hein. Tu verras mon dessin, le caoues, hein. Les choses, ce qu'on le met, les hailles, qui sortent les hies et tout sous là, là, elles sont hydrutes, elles sont décolletées en top tico, donc n'a vu rien de fier, mais autre part. Elle est une modèle carré, un carré, plus ou moins rectangulaire. Mais les cavatons, là, elles sont arrondies, elles sont affleurées, elles sont. Je ne sais pas si on a passé même un papier de verre, le mec fallait qu'il ait Charlie, c'était un fier de cette ouvrette-là. Mais non, parce qu'il y a trop jeune, donc. C'est-à-dire qu'il y a vu, il y a eu les Brabants qui existaient. Nos autres, les erreurs qu'ils nous faisaient, c'est vraiment les anciens Belges, enfin, qui voulaient continuer à travailler comme des Valtains, parce qu'ils les vivent. Lévi n'avait jamais vu des erreurs. Et il était tellement fier de faire des erreurs, surtout à bon sens, parce qu'il y avait un constructeur derrière qui s'est dit un inventeur, puisqu'on va loumer les erreurs là-bas. C'est un maréchal qui existait, qui a inventé les erreurs et les Brabants là-bas. C'est trop vivant, c'est rien. Retrouver des archives de sous la probablement, mais il était breveté. Ça, c'est une chose de certaine. Il reste un breveté. Personne n'est pas les copier les. C'est bien. Personne n'est pas les copier les erreurs là-bas. Les erreurs et les tarares. Parce qu'il y a un signe. Voilà que vous connaissez ce que je dis. Les tarares, c'est bien ce que c'est. Oui. C'est un trieur d'Henri. Eh bien, il avait qu'à faire des tarares. Et c'est le tarare, c'est un traitu. Qu'on a vu des flégrins de vin. Qui a vu ce bateau à Floyer. Hein, avec les pailles, des boquettes de fils tout distraits, qu'est-ce que tu sais. Et on vivait tout ça. Et il y avait un tamis qui faisait tout le temps. Et puis on tournait avec un ventilateur, qu'on a vu faire des, un ventilateur avec des lames. Depuis. Et cela faisait souffler tout ce qui n'est une grain, voyez. En quoi que ça tombe sur le tamis, tout à fait tombe, donc paille, strain, tout. Eh bien, en tout cas, tout cela tombe sur le tamis, il y a le ventilateur qui a vu aspirer tout ce que tu veux dire. Ça fait un démoré qu'il est. Qu'est-ce qu'on le met sur là? Et comme un wallon, les cuervesses. Et les grains. Les cuervesses étaient rondes, et elles tombent fous de tapitrieurs, enfin. Les grains, ils s'amenaient devant une bus. Et ce bus-là, il y avait un set d'atelier qui suivait les grains. Et voilà, c'est une tarare, ça. Et bien, la boule, il avait inventé une tarare. Tout ça, même. C'est du déjol qu'on le met sous là, et voilà. Déjol. Oui, on a les frigiolis, Tifton. Non, les frigiolis. Et il faut rapidement, non, les travail des bois, parce que ça, c'est tout. Il me semble que j'ai flané tout à l'heure, ça c'est l'arrivée des Américains qui nous a amené des pneus, qui n'ont pas allé en Amérique, et qu'il a fallu mettre sur le marché. Et quand on est sur le marché, ben, les Saint-Cy l'ont vu que la même brame n'a plus d'intérêt, ni se monter à pneus, qu'il a fallu continuer, il a fallu payer le Charlie, le Marat, les hommes, puisque quand c'est du. Quand les billes de masse arrivaient, par exemple, qui, je ne sais pas si vous aviez regardé tout ça, là, les billes de masse, c'est-à-dire que. Les vins de Nord et moins de masse, puis ça vient gastour, en fait. Donc c'est la période de la sécheresse. C'est donc les bois souhaits. C'est donc qu'il faut profiter de l'occasion pour faire souhaits les bois. C'est moins de masse. Eh bien, moins de masse, vous pouvez bien mettre pur au matin jusqu'à la nuit. Et vous allez même demander d'aller vos slips, vous allez que vous l'aurez pour toutes les heures. Tellement qu'il est rau, il suffisait à l'aide. Les vieux rau, non? Nous n'avons pas de nous. Mais des rau qui datent de 20 ans, eh bien, il fallait qu'il vienne à Charlie au Maroc. Et si persiste un rôle à vous, deux yeux qui s'avignent, c'est la casse. Hein? Et donc, c'est des gros frères au lieu des petits. Tandis que, quand c'est qu'il vient en temps, eh bien, il venait, il fallait dismonter les fiers, il fallait venir dans le jointeur, comme je vous ai dit, il fallait remettre un bouquet qu'on avait eu, il fallait nous lever de nouveau, et puis aller au Maroc, et on a consolidé. C'est tout fini. Mais on a ramassé, on a ramassé, on a une masse. Parce que c'est trop sèche. parce qu'elle souhaite, elle n'a même plus roulé. Elle a nourri l'hivière, là. Elle a ramassé toutes les crues. Elle était bien consolée. Mais sur mes cols qui commencent à rouler, ça commence à se tasser. Eh bien, ça peut être des joues. Et puis, les temps qui servaient pour les faire sécher. Enfin, elle m'a dit ce qu'elle allait. Non, c'est des pour les pneus, mais cette affaire-là, c'est éliminé. Il n'a que des bois, mais de plus en plus rare. Hein. Et il ne faut plus demander, il ne faut plus demander ça. Hein. Les bois actuellement, ils vont à des autres utilités que ceux-là, en fait. Hein. Alors, des ventins, quand il y a soi, par exemple, des blonds bois. Du soya de blombe, par exemple, quand même, mettons même 70 cm de diamètre, on faisait des boules de 20 mm ou 22 mm, du 22 mm, on faisait des planches. Qu'ils n'ont pas prendre planche de blombe, de mettre tous les marchands pour les dérouler. Ça n'existe plus. Qu'est-ce qu'on fait? On les déroule. Hein? Quand c'est des fouets, ben, on les déroule. Ou bien, on les met dans. Nous vont faire dans le haxel, les agglomérés. Mais ça n'existe plus pour faire des planches. D'ailleurs, tu peux aller manquer, Mathion, parce que tu vas demander des planches, du blond bout, ça après. Et quand il n'a plus lieu de vrai, Paul Charlie, qu'est-ce qu'il fait? Mais là, il fallait se recycler à Soyi. Puis il a fait des berouettes, des maçons et que tout est bouillon en série. On sait bien même, parce qu'on n'est pas le sein même. Et puis quoi? Tout est des bois, oui. Mais surtout avec des bois qui étaient de seconde nature, on vient d'être gros prix parce qu'il fallait travailler au rabais. C'est surtout pour se défaire des déchets. Donc après cela, ben, ça a été vraiment la mort du métier. Il a fallu faire un million de gens plus continuer dans le lieu. On a pu continuer à travailler quelques années de screening. Mais, hein. Le charron, si on les défendait dans le dictionnaire, il ne serait plus dessus, hein, ça n'existe plus. Hein,